La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire de l'angoisse écologique ? Que se passe-t-il donc ? Qu'est-ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, se construit ? Qu'est-ce qui s'y détruit ? Nous l'ignorons pour une grande part, mais c'est paradoxalement parce que nous avons compris quelque chose. Nous avons compris que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Dès lors, comment savoir ce qui va se passer, si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire ? Nous sommes désormais conscients que nous grignotons de plus en plus avidement le fruit terrestre de taille finie qui nous porte, mais nous ne savons pas comment enrayer cette mauvaise tendance. Alors nous pressentons que cet avenir même que nous sommes en train d'anticiper par nos actions, aussi bien que par nos inactions, pourrait se révéler radicalement autre, et au fond de nous-mêmes, nous le craignons. Il y a de bonnes raisons à cela. Diminution des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution des sols, de l'eau, de l'air, déforestation rapide, sans oublier bien sûr le changement climatique d'origine anthropique. En ces domaines, tous les indicateurs sont alarmants et toutes les projections sont inquiétantes. Un observateur attentif de notre époque résume la situation de la façon suivante. Un spectre hante l'Occident, écrit-il, l'effondrement du système Terre. Toutes les puissances du monde ancien cherchent à conjurer ou contenir l'inquiétude montante. Partout, la jeunesse scolarisée se soulève avec, de Berlin à Rome, de New York à Paris, de Madrid à Manchester, un seul cri. Assez de discours, des actes. L'avenir accuse désormais le passé et convoque Prométhée à la barre, parce qu'on ne saura plus demain ce qu'est un bonhomme de neige, une source d'eau potable ou une plage de sable fin. Nous avions connu les internationales de l'espoir, nous découvrons l'international de l'angoisse. Fin de citation. Il se trouve que l'auteur de ces lignes, qui résume tout, est devant moi, c'est Régis Debray. Bonjour Régis Debray. Bonjour. On ne vous présente plus, mais en général, quand on dit de quelqu'un qu'on ne le présente plus, on s'empresse ensuite de le présenter longuement, au cas où. Mais moi, soucieux d'échapper à cette contradiction, dont je ne sais pas si j'ai le droit de dire qu'elle serait auto-performative, je ne vais pas vous présenter du tout. Simplement rappeler que vous publiez ces jours-ci un texte assez court et chargé d'ironie intitulé « Le siècle vert » avec comme sous-titre « Un changement de civilisation ». Rien que ça. Alors, j'ai une première question, Régis Debray, qui va peut-être vous surprendre, notamment parce qu'elle traduit ma jalousie d'une façon extrêmement sincère. Comment avez-vous fait pour trouver un titre ayant autant d'anagrammes ? Le siècle vert. J'ai pas pensé à l'anagramme. J'ai pensé qu'il fallait restituer à l'inquiétude écologique son ampleur et, je dirais, sa portée. Contre l'idée d'une mode, l'idée d'une sorte d'emprise médiatique. Et j'ai voulu, il est vrai, pasticher le manifeste communiste, dont je reprends les premiers mots, n'est-ce pas ? Un spectre entre l'Europe, le communisme, moi je dis un spectre, entre le monde, l'effondrement du système Terre. Donc ça me semblait, si vous voulez, comment dirais-je, nécessaire de donner peut-être son estampille à un siècle. Vous savez, il y a eu le siècle des Lumières, 18e. Je crois que le 19e a été le siècle de l'histoire, donc un siècle rouge. Et aujourd'hui, avec les sciences de la vie et de la Terre, qui sont, je dirais, l'apport nouveau, notre nouvelle base scientifique, je crois qu'on peut parler à la dimension d'un siècle. Alors, le siècle vert, c'est seulement, si j'ose dire, 12 lettres. Il y a un paquet d'anagrammes incroyables. C'est de là que vient ma jalousie. Le siècle vert a pour anagramme, par exemple, livre céleste. Est-ce que vous avez écrit un livre céleste ? Non, j'ai écrit plutôt un livre sur la terre-mère que sur le ciel. Alors, il y a une autre anagramme qui peut-être correspond mieux à votre propos. Le siècle vert a également pour anagramme secte vrillée. Il y a aussi une secte fondamentaliste derrière le vert, c'est certain. Il y a aussi celte servile. Là, je trouve ça plus intéressant parce qu'au fond, les celtes n'étaient pas chrétiens, ils étaient païens, ils avaient certainement le culte de la nature. Il y a également, c'est le levier. Alors, c'est peut-être le levier aujourd'hui, eh bien, pour faire de la politique. Tous les politiciens cultivent le siècle vert. Ensuite, il y a le reste clive, il y a aussi le vide secret, enfin, il y en a énormément. Vous avez eu de la chance. Écoutez, je ne savais pas que un physicien émérite comme vous aurait cette science de la langue, cette science poétique. C'est simplement que l'anagramme a quelque chose à voir avec la physique quantique, mais c'est pas le lieu d'en parler. Dès les premières pages, Régis Debray, vous parlez du Mont Ventoux, mais qu'est-ce qui vient faire là, le Mont Ventoux? Le Mont Ventoux, pour moi, c'est le début de la modernité. Pourquoi? Parce qu'on a devant soi une montagne, et que jusqu'à Pétrarque, c'est-à-dire jusqu'au XIVe siècle, on ne monte pas sur les montagnes. Les Grecs, ils font de la théorie, c'est-à-dire qu'ils regardent. Hein. Théorène, ça veut dire voir. Donc, ils regardent l'Olympe. Ils ne parlent que de ça. Personne n'a jamais escaladé l'Olympe du temps des Grecs? Aucune trace historique ne nous est disponible sur l'escalade de l'Olympe. L'Olympe est l'objet d'une contemplation. Mais on a retrouvé des momies au sommet de hautes montagnes, de volcans d'Amérique du Sud. Les Incas escaladaient les montagnes. Je parle, moi, de la culture occidentale. Je parle de la philosophie grecque. Je parle du berceau occidental. Le berceau occidental, c'est l'œil, c'est pas les jambes, c'est pas les pieds. On regarde, on essaie de comprendre ce qu'on regarde et nous sommes, c'est repris par le christianisme, la vision béatifique. Autrement dit, tout d'un coup, Pétrarque a des fourmis dans les jambes. Il escalade le Mont Ventoux. C'est tellement extraordinaire qu'il écrit un petit compte-rendu, c'est pourquoi nous le savons. Et donc ça m'a semblé, si vous voulez, le début, eh bien, de maître et possesseur de la nature. Hein. Devenons comme maître et possesseur de la nature. Descartes ne pensait pas à Pétrarque, mais je dirais que c'est Pétrarque qui a lancé le mouvement. Et ce grand mouvement se termine par la conquête de l'espace. Alors, il faut toujours monter, toujours plus haut. Vous écrivez, l'aventure commencée dans le Vaucluse aura culminé en Floride, Cap Canaveral. Oui, parce que, disons, la conquête de l'espace, ça commence par le département, ça va ensuite avec Christophe Colomb et Magellan sur le globe, et puis ça va vers l'espace cosmique. Donc on peut dire que c'est le même mouvement, je dirais, de prise de possession physique et scientifique de l'espace. C'est-à-dire qu'on abandonne le temps, n'est-ce pas? L'histoire. Nous vivons le siècle de l'espace. Alors justement, votre livre qui est extrêmement plaisant à lire, parce que vous avez quand même un art de la formule qui ne s'use pas, vous explorez la relation qu'il faudrait faire entre l'idée de nature et puis ce que vous appelez l'esprit. Alors commençons par la nature. Comment définissez-vous la nature? La nature, c'est ce qui dépend pas de nous. Enfin, je reprends, si vous voulez, la définition stoïcienne. La nature, ça existe sans nous. Bah, après tout, moi je suis matérialiste. Hein. La matière existe indépendamment de la conscience. Mais la nature, c'est ce qu'on doit subir. C'est sur quoi on n'a pas prise. Et face à la nature, je reprends une dichotomie, si vous voulez, un peu à Paul Valéry, il y a ce qu'il appelle esprit. Et l'esprit chez Valéry, c'est pas du tout spirituel. Hein. C'est une force de transformation. Mais il met quand même une majuscule. Oui, il y a une majuscule parce qu'effectivement, c'est un principe, si vous voulez. Hein. C'est comme Eros, Thanatos, il y a esprit, c'est-à-dire c'est l'ensemble des forces à l'œuvre pour transformer la nature. Dans l'esprit, Valéry range la quinine, la pénicilline, le chemin de fer, la radio et l'avion, c'est-à-dire tout ce qui transforme à la fois la nature et la nature humaine aussi. Pour aller vite, nature passif, esprit actif. Mais vous êtes d'accord pour dire que la technique, les techniques modifient les contours de la condition humaine? Ah ben, l'histoire de l'homme, c'est une technogénèse. Hein, c'est-à-dire, je suis pas du tout un philosophe heideggerien. Je suis un disciple de Leroy Gourhan, de François Dagonier, c'est-à-dire que Homo Faber, on ne peut pas séparer le sapiens du Faber. Et c'est en fabriquant des outils que l'homme commence d'échapper à sa nature, c'est-à-dire à augmenter sa puissance d'être, accroître sa surface de circulation, bref, même quelque chose comme l'écriture, c'est de la technique, c'est un système construit. Donc, effectivement, pour moi, la technique, ça fait partie de l'esprit. Vous êtes interrogé longuement sur les rapports qu'il y a entre l'espace et le temps. Vous dites que nous sommes passés de l'ère du temps à l'ère de l'espace. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette phrase de Paul Morand qu'on trouve dans son livre « Éloge du repos » ?« Se déplacer, dit-il, c'est demander d'un coup à la distance ce que le temps ne pourrait nous donner que peu à peu. » Oui, c'est assez bien vu. Disons que le temps, c'est tout le contraire de l'immédiateté. Le temps, c'est le progressif, c'est le patient, c'est le continu. Donc c'est le labeur. Mais je crois effectivement que l'Amérique est le continent de l'espace, l'Europe est le continent du temps. Et nous sommes américanisés de plus en plus parce que cette idée de conquête de l'espace, vous parliez du Cap Canaveral, mais je pourrais vous parler du Far West aussi, c'est-à-dire la frontière. Il faut toujours aller plus loin. Mais nous, en Europe, nous sommes dans la sédimentation, nous sommes dans l'archéologie, dans la méditation du temps, nous sommes le continent de l'histoire. Et ce que j'appelle l'américanisation, c'est un peu le remplacement du temps par l'espace. Même dans notre vie quotidienne, on parle d'un espace livre, on parle d'un espace culture. Enfin, le mot espace est devenu une appellation courante. Et si vous couplez ça avec la lente disparition de l'histoire comme discipline à l'école, c'est maintenant jugé comme une discipline d'appoint. Eh bien, vous voyez effectivement qu'il y a une perte de conscience historique chez nous, mais sans doute une plus grande prise de conscience de l'ubiquité de la planète en tant que tout, comme espace de circulation. À ce propos, j'ai passé mon bac en 1976, année pendant laquelle il n'y avait pas d'épreuve d'histoire au bac dans les sections scientifiques. Et l'histoire est revenue par la suite comme étant quelque chose de finalement très important. Important sur le papier et dans la réalité, quand vous voyez aujourd'hui la jeune génération, tout ce qui s'est passé avant 30 ou 40 ans, c'est noyé dans une sorte de confusion générale. Non, on a remplacé, si vous voulez, la continuité historique par une mosaïque d'instantané. Alors, votre livre, Rhys de Bray, porte sur la question de savoir ce que nous devons faire de ce que nous apprennent les scientifiques à propos de l'évolution de l'environnement. Et vous prenez acte de ce qu'ils nous enseignent. Ce sont le plus souvent des mauvaises nouvelles. Vous écrivez « Ignorant que ce que nous détruisons nous détruit nous-mêmes, le locataire de la planète qui se prenait pour son propriétaire se retrouve en squatteur insolvable, menacé d'expulsion. » Donc vous prenez bien acte du fait qu'il se passe des choses qui n'avaient pas été prévues, par exemple, au siècle des Lumières. Évidemment, il ne s'agit pas de nier la réalité du changement climatique. En ce sens, je prends comme une base de départ les résultats scientifiques du GIEC et de toutes les mesures et les observations faites depuis 30 ans. Non, moi ce qui m'intéressait c'était les conséquences, les effets, les retombées culturelles et symboliques de ces résultats scientifiques. Et on était habitué à parler de la destruction créatrice, on voit plus de destruction que de création. Hein. Si je reprends Schumpeter, il y a comme une sorte de décalage entre la vitesse de la destruction et la lenteur de la création. C'est tout le problème, si vous voulez. Mais vous pouvez également le transférer dans l'espace, c'est-à-dire que il faudrait penser planète, d'accord, mais nous vivons nation. Donc, décalage, à la fois décalage dans le temps et décalage dans l'espace, d'où notre désarroi. Alors vous dites, le point de mire n'est plus une société sans classe ni exploiteur, mais sans carbone ni déchets à la dérive. L'ennemi principal n'est plus le patron, mais la fumée d'usine. L'atmosphère psychologique se dégrade, car la dépression n'est pas seulement climatique, l'air se réchauffe, l'humeur se renfrogne. Quel est votre rapport à l'avenir? Est-ce que vous pensez que nous vivons une sorte de prise de conscience que l'avenir pourrait ne pas être très drôle pour nos descendants? Et que du coup, l'idée de progrès est mise en porte-à-faux puisqu'elle supposait une philosophie de l'histoire qui elle-même supposait qu'on configure le futur d'une façon qui soit à la fois crédible et attractive. On a toute raison de s'inquiéter parce qu'effectivement, il y avait un téléguidage du temps, si vous voulez. Il y avait un avenir qui était promis et même certifié, alors pour les croyants, par Jésus-Christ, pour les progressistes, par le progrès, pour les scientistes, par la science. Donc il y avait une sorte d'assurance. On avait une assurance à venir, comme on a une assurance vie. Et aujourd'hui, nous sommes tout d'un coup dans l'incertitude, voire dans l'angoisse, parce que ce qu'on plaçait en haut, au-dessus de nous, devient un précipice sous nos pieds. Du temps où le monde avait été créé, eh bien, on avait une téléologie, c'est-à-dire on allait retrouver à la fin ce qui était au début, le Christ allait revenir, etc. Maintenant, nous sommes plongés dans, je dirais, dans un infini anxieux où plus rien n'est certain et où peut-être probablement une disparition. Cela dit, je ne veux pas du tout rentrer dans un jugement apocalyptique. Vous savez que l'apocalypse, c'est un truc aussi vieux que le monde. Hein. C'est dans Saint Jean, c'est tous les mouvements apocalyptiques ou millénaristes du Moyen-Âge. Je crois qu'il y a quelque chose de religieux dans l'apocalypse. Donc, mais pas forcément dans la collapsologie. Si, pour moi, mais je m'y connais pas très bien, mais il me semble que la collapsologie, c'est la version scientifique, entre guillemets, de l'apocalypse. Généralement, l'apocalypse, c'était la punition de nos péchés. La collapsologie, c'est la punition de nos désinvoltures, de nos inconsciences. De nos excès. De nos excès, de notre hubris, disons. Bon. Alors c'est vrai que l'hubris, ça se paye à un moment donné. On a tellement tiré sur la corde, disons, science, technique, économie, hein, qu'on a oublié qu'il y avait au départ une donnée naturelle. Voilà, donc il faut payer notre dette. On a fait des mines de charbon, on a tiré beaucoup de charbon, c'était très important, ça permettait de se chauffer, d'alimenter les locomotives. Bon, et puis à un moment donné, on s'aperçoit que les ressources fossiles sont limitées. Donc voilà, je pense que c'est un moment, mais je crois que ce moment n'est pas du tout le moment final. J'en ai marre, si vous voulez, d'entendre que c'est la fin de tout. Non, non, il y a toujours des renaissances. Écoutez, la fin de l'ère glaciaire, ça a tout de même été très difficile pour nos ancêtres. Mais à la fin sur du paléolithique. C'était temporalité plus longue. Oui, c'était plus long. C'est vrai que tout va plus vite. Et non, le fait que le changement se produise avec un rythme beaucoup plus grand que celui qui est naturellement dû aux successions des aires glaciaires, oui, interglaciaires, change beaucoup de choses. Mais tout va plus vite dans la destruction, mais tout va plus vite dans la recréation, tout va plus vite dans la restauration, tout va plus vite, si vous voulez, je dirais, la précaution. C'est vrai que on peut pas comparer les millénaires de la fin de l'ère glaciaire au siècle actuel du changement climatique. Mais on a été très long pour passer du mammouth au petit lapin. Nous, aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite et on va beaucoup plus vite. Donc ce que vous dites, il faut le tempérer. Disons que la nature accélère sa destruction et l'homme accélère ses reconstructions. Vous dites que tout va plus vite, pourtant les déplacements ne vont pas plus vite, les voitures ne vont pas plus vite qu'avant, les avions non plus. Ce qui va plus vite, c'est plutôt l'information. Oui, c'est vrai que... non, tout va beaucoup plus vite tout de même, parce que Paris-Bordeaux, c'était 12 jours il y a deux siècles, aujourd'hui c'est quelques heures. C'est vrai que l'information, ça a à voir avec l'écologie, vous savez. Pourquoi? Parce qu'on a des images des destructions, on a des images qui viennent du monde entier, en direct, tout de suite. Donc, ça nous donne une sensibilité que nous n'avions pas avant le règne du numérique et de l'audiovisuel. Donc, c'est vrai, nous avons, si vous voulez, un épiderme en alerte, parce qu'il est bombardé chaque jour d'images épouvantables. Vous écrivez notamment... Australie, Brésil, etc. Vous écrivez, Régis Debray, le calviniste marchait à l'imprimé et au papier Bible, l'écologiste à la vidéo et au tweet. Oui, parce que l'écologisme, ce sont des images. Vous demandez aux gens, bah, ils vous parleront de l'ours sur la banquise, ils vous parleront du feu en Amazonie, parce qu'ils l'ont vu la veille sur leur écran. Et c'est le tweet aussi, parce qu'aujourd'hui, disons, les mobilisations ne reposent plus sur un discours ou un programme. Elles reposent sur des émotions, elles reposent sur des réactions. Donc, il y a, si vous voulez, je dirais, un instantanéisme dans la prise de conscience. Une succession d'instantanés finissent par faire une angoisse, et je le comprends. Dans un livre précédent, Régis Debray, qui s'appelle « L'angle mort », vous écriviez que Georges Clemenceau avait fait remarquer qu'un discours de Jaurès se reconnaissait à ce que tous ses verbes étaient au futur. Bon, Jaurès est mort, il est mort assassiné, et aussi peut-être avec lui une certaine façon de conjuguer les verbes. Donc on ne parle plus beaucoup du futur dans les médias notamment, c'est plutôt le présent, comme vous le dites, qui s'impose à nous. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait tenter de reconfigurer le futur, qui tienne compte de ce que nous voulons, mais aussi de ce que nous savons? Le problème, c'est que le futur ne se voit pas. Dans l'image enregistrée, vous enregistrez le présent. Donc nous avons gagné avec l'image beaucoup dans l'ubiquité spatiale, puisqu'il y a image de tout ce qu'il y a autour de la planète. Et puis il y a tout ce dont il n'y a pas image. Ce dont il n'y a pas image, c'est l'universel d'abord. Il n'y a pas d'image de l'humanité, il y a l'image d'un homme, il n'y a pas l'image du prolétariat, il y a l'image d'un ouvrier, et il n'y a pas d'image du futur. Le futur est anticipé, il est anticipé comment? Par l'imprimé, par le discours, par le raisonnement. Donc, à l'ère de la visibilité, dans la tyrannie de la visibilité, il y a une sorte d'évanescence du futur, alors qu'il était omniprésent au temps de Jaurès, comme vous dites. Disons que notre présentisme est technologiquement déterminé, si vous voulez, par un système nerveux de la planète extrêmement sensible, mais qui ne fait qu'enregistrer les choses. Et les enregistrer au présent. Et puis, c'est vrai qu'au temps de Jaurès, il y avait une confiance, il y avait, je dirais, un optimisme, une attente. Un espoir. Un espoir. Et au fond, c'est peut-être ça, le XXe siècle. Ça a été le temps de l'espoir, comme disait Malraux. Mais il y a une sorte de retournement qui s'est produit et que vous analysez d'une façon très brève mais très efficace dans l'angle mort. Vous écrivez « Les prémodernes regardaient par-dessus leur épaule un âge d'or inventé mais perdu. Les modernes regardaient devant eux vers un soleil en souffrance. Nous, postmodernes, nous courons sur un tapis roulant, les yeux bandés après le scoop du jour. » Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, du coup, avec Paul Valéry, que vous connaissez très bien, que nous sommes victimes d'une sorte d'intoxication par la hâte, comme il l'appelait? Par la rate aussi. Par la hâte. Par la hâte, oui. Alors, effectivement, la lecture lente et méditative n'a plus cours, comme vous savez. C'est une lecture de Picorave. Les plans au cinéma pouvaient durer 3-4 minutes au temps d'Antonioni. Aujourd'hui, c'est quelques secondes. Et puis s'il n'y a pas de mort, au bout de 3 secondes, on zappe. Donc c'est vrai qu'il y a eu une sorte, je dirais, de course folle à l'émotion forte. Et je dirais que, vous savez ce que c'est que l'information? Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est l'inverse d'une probabilité d'apparition. Oui, ça doit créer une surprise. Ça doit être donc une surprise. Donc il faut produire... Donc si on dit que Federer a gagné le match, ça n'est pas une information. Non, il faut, si vous voulez intéresser les gens, il faut les décontenancer, tout de suite faire une surprise. Ensuite les décontenancer, tout de suite faire une surprise. C'est une rhétorique aujourd'hui. celle de la du punchline, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut qu'on saisisse l'attention. Je ne sais plus qui disait que nous sommes devenus des petits poissons. On a calculé que les petits poissons avaient 7 secondes d'attention quand ils se heurtent contre le verre du bocal. C'est Bruno Patino qui dit ça, n'est-ce pas? Eh bien, nous n'en sommes plus loin. C'est un problème pour un philosophe, tout de même. Ben oui, vous dites, vous rangez derrière Victor Hugo quand il dit « La France sera sauvée quand les vieux regarderont en avant et quand les jeunes regarderont en arrière ». Alors, c'est pour quand, ça? Parce que le portrait que vous faites de la jeunesse, c'est quand même pas très séduisant. Vous écrivez « Inciter les adolescents à devenir leur propre maître en jetant le grand-père par-dessus bord, cela tourne vite à la barbarie ». Oui. On doit néanmoins se réjouir de voir monter au créneau une génération de jeunes diplômés dont il y a tout lieu de craindre qu'ils ne savent pas distinguer à la campagne un chêne d'un boulot ou une aubépine d'un lilas, mais qui a le mérite de se chercher un autre avenir qu'assistant-chef de produit chez Unilever. Bon, alors, un, il faut beaucoup de temps pour devenir jeune, c'est-à-dire pour quitter, je dirais, le conformisme, la répétition, le cliché, pour trouver la façon de penser par soi-même. La jeunesse est conformiste. Enfin, j'espère que vous ne répéterez pas ce que je dis, j'ai peur d'ailleurs que ça circule. Bon. Deuxièmement, n'importe quel révolutionnaire sait que la tradition n'est pas ce qui nous tire en arrière, mais ce qui nous pousse en avant. Tous les révolutionnaires que j'ai connus étaient des passéistes actifs, qui voulaient reconstituer ce qui avait été ébauché et qu'il fallait parachever. Bon, troisièmement, je crois difficile que les jeunes se tournent vers le passé, précisément parce qu'on fait tout pour les décerveler, c'est-à-dire pour les faire vivre dans le présent. C'est pas un complot, c'est l'effet naturel d'un milieu technique de la, disons, que j'appelle la vidéosphère. Mais c'est vrai que retrouver l'articulation entre le passé, le présent et l'avenir, ça me semble, si vous voulez, le secret d'une civilisation, quoi. Voilà. Et j'ai peur, en quelque sorte, d'une déculturation. C'est-à-dire, on a perdu le fil? On a perdu le fil rouge ou le fil d'or, comme vous voulez, mais effectivement, c'est ce qui m'angoisse le plus aujourd'hui, quand je parle avec des jeunes. Mais ça, c'est un problème de génération, si vous voulez. Moi, je vous dis très franchement que, j'ai du mal aujourd'hui à faire des conférences ou à tenir des propos devant des gens de 20 ans parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Parce que quand je leur parle, je dis pas de Platon ou de Marc Aurèle, mais quand je leur parle, je dirais de Valéry par exemple, ou même de Pasteur, ou même de Louis-Philippe ou de Napoléon ou de Louis XIV, ils sont paumés, quoi. Voilà. Bon, donc j'ai peur que là que le fil soit plus que distendu, qu'il soit coupé. Vous savez, Régis Debray, dans cette émission, on est dans le temps, on n'est pas dans l'espace. Et le temps impose qu'on passe une chanson ou un morceau de musique. Vous nous avez demandé de le choisir à votre place. Et Delphine Lemaire en a trouvé une qui correspond à peu près à votre propos, qui s'intitule « La nature », elle est chantée par Barbara Carlotti. Je regarde autour de moi et je ne vois rien. Plus de visage dans la rue, le gris a pris le dessus. Plus d'oreilles, plus d'yeux, plus de nez, plus de mains, plus de jambes, plus de pieds. Mais leur bouche me murmure, il faut faire quelque chose pour la nature. Je regarde autour de moi et le ciel ne bouge plus. Plus de visage dans la rue, le gris a pris le dessus. L'horizon est sale et le vent s'est tu. Les couleurs se valent, elles n'existent plus. Mais mais le ciel me susurre. Il faut faire quelque chose pour la nature. Il faut inventer des histoires et devenir sourd aux rumeurs. Il faut se remettre à l'air pur et débrancher les transistors. Il faut danser dans l'eau qui dort et parler le langage des fleurs. Il faut donner aux animaux des drogues dures, oublier la fonte des glaces et sans arrêt changer de place. Il faut remettre de la couleur, chanter à l'oreille des morts, ne pas avoir peur d'avoir peur, ne pas avoir peur d'avoir tort, se lancer à l'aventure, être le tout et son contraire. Mais ne pas se laisser faire, non, ne pas se laisser faire. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Régis Debray, cette chanson s'appelle en fait « Pour la nature » et non pas « La nature » comme je l'ai dit malencontreusement tout à l'heure. Elle est de Barbara Carlotti. « Ne pas se laisser faire », ça vous va comme slogan ? Oui, et je crois que une femme est toujours pour la nature. Bien joué. Revenons au titre de votre livre, Régis Debray, « Le siècle vert ». Qu'est-ce que représente le vert pour vous ? La paix. Le vert est pour moi, on peut dire, je parlerai pas d'espoir, je parlerai de cycle et de recyclage. Le vert, c'est l'assurance apaisante d'un retour de vie perpétuel. Je crois que le vert est tout de même, je dirais, un mot rassurant, mais un mot paisible, n'est-ce pas? Vous citez d'ailleurs Kandinsky dans son livre « Spirituel dans l'art ». C'est assez incroyable, cette définition. Il définit le vert de la façon suivante. Comme un mot bourgeois. Voilà, le vert absolu est dans la société des couleurs ce qu'est la bourgeoisie dans celle des hommes. C'est-à-dire un élément immobile, sans désir, satisfait, épanoui. Ce vert est comme la vache, grasse, saine, couchée et ruminante, capable seulement de regarder le monde de ses yeux vagues et indolents. Les vaches paissent, comme on dit, et le ver est paisible. Et c'est vrai qu'il y a, je dirais, dans le ver, une force tranquille et sereine. C'est pas du tout un mot révolutionnaire. Vous allez me dire que l'islam, peut-être, a pris le ver. Ils ont peut-être une autre symbolique des couleurs. Mais pour nous, non. Pour nous... Passer du rouge au vert, c'est passer de la guerre à la paix. Mais est-ce que passer du rouge au vert, c'est abandonner l'idéal politique ? Oui. Forcément. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de combiner oui, le souci ? Oui, bien sûr, je crois que tout le problème est là. C'est de pouvoir réunir, je dirais, la cité et son milieu. C'est de pouvoir réunir le combat... pour la justice et la préservation de la nature. Évidemment, tout est là, mais c'est un problème, je dirais, qui traverse une sorte de lutte des classes à l'intérieur des mouvements écologiques. Hein. Bien entendu, il y a ceux qui disent, mais il faut en finir avec le capitalisme pour en finir avec la pollution. D'autres qui disent, mais écoutez, ne rêvons pas, prenons des petites mesures. Donc, ça fait que... l'écologiste autrichien se marie avec la droite dure et d'autres écologistes en France pensent ou pensaient à se marier avec la gauche. Mais c'est vrai, le problème aujourd'hui est comment articuler le rouge et le vert. À partir du moment où on fait confiance aux scientifiques qui disent ce qu'ils disent à propos du climat, par exemple, comment intégrer ce qu'ils annoncent dans des préoccupations politiques, décisionnelles? On peut tout à fait, par exemple, être convaincu que les scientifiques ont raison en disant que le changement climatique anthropique est extrêmement rapide et très dangereux, et ne rien vouloir faire contre lui, au motif que si on est riche, par exemple, on pourra climatiser sa grande maison et se mettre à l'abri des désastres que vivront les autres. C'est vrai, il y a deux conclusions possibles de ces observations ou de ces annonces scientifiques. Il y a moi je m'en tirerai, et puis il y a ceux qui disent mais personne ne s'en tirera parce que riche et pauvre, quand il y aura plus d'eau, il y aura plus d'eau. Donc c'est évidemment la deuxième option. Mais moi je crois que la difficulté, si vous voulez, c'est que il faut penser planète, mais la planète c'est ce qui se conçoit. La nation, c'est ce qui se vit. Et il y a un décalage, à la fois, je dirais, dans le temps du politique, qui est un temps très rapide, et le temps, je dirais, cosmique, est évidemment d'un autre ordre. Et puis, il y a le décalage entre l'espace de la destruction et l'étriqué des réactions possibles. Parce que moi, je suis très, je dirais, très admiratif des écologistes français, parce que je trouve qu'ils font dans le symbolique. Est-ce qu'ils le savent? Ils font dans le symbolique parce que la France, si je suis bien informé, représente 1% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc vous pouvez vous dire, bon, écoutez, si on fait pas grand-chose, ça ne changera rien. Bon. Donc je trouve qu'ils ont du mérite à faire dans l'exemplaire, dans le moral, dans la symbolique. Mais faut pas se faire d'illusions, c'est pas là que ça se passe. Vous faites une différence assez fondamentale entre ce qu'on appelle l'environnement et ce que vous appelez, vous, le milieu. Oui. Je trouve que l'environnement est une... Bizarrement, le mot est latin, mais son emploi est anglo-saxon. Environment. Alors que nous avons le mot milieu qui est 10 fois plus intéressant, parce que... Environnement, c'est périphérique, c'est touristique, c'est ce qu'on a autour. Le milieu, on est dedans. Et c'est vrai que le milieu, même à l'extérieur, est en nous. Disons que le rythme, la rotation de la Terre sur elle-même, bah, ça fait chez nous cette alternance du sommeil et de la veille. Donc nous, disons, nous sommes dans le milieu et le milieu est en nous et l'environnement est extérieur. Je trouve que cette idée d'environnement est une idée qui reste anthropocentrique pour moi, parce qu'elle suppose que environnement de quoi? Environnement d'un homme? Non. L'homme est dans son milieu. Et donc il est, je dirais... comme d'autres dans le milieu. Je sais pas, cette notion d'environnement ne me semble pas raisonner. Nous avons en France tout de même une réflexion sur le milieu, que ce soit chez les biologistes, chez les médecins, le milieu interne, le milieu physiologique. Enfin, c'est un mot fort, milieu, qu'il faudrait réanimer, me semble-t-il. Mais pour appuyer ce que vous dites sur la différence entre milieu et environnement, le fait que l'environnement est une notion anthropocentrique, oui. Est-ce que vous connaissez le discours qu'a prononcé Solzhenitsyn à Harvard en 1978 qui s'intitule « Le déclin du courage » ? Non. Texte magnifique, dans lequel il explique que l'humanisme rationaliste des Lumières est en fait, je cite, « une autonomie humaniste » qui proclame et réalise l'autonomie humaine par rapport à toute force placée au-dessus de lui, Dieu, la nature, la tradition. La philosophie des Lumières serait en quelque sorte un anthropocentrisme qui réclame que l'idée de l'homme soit posée au centre, sinon de ce qui existe, du moins de ce qui doit être pensé comme ayant une valeur suprême. Écoutez, c'est une chose que Claude Lévi-Strauss a souvent dite. Hein. Il a décrit... l'humanisme comme un égoïsme collectif, je dirais comme une sorte de corporatisme, une sorte, je dirais, de défense corporatiste de l'humain qui s'estime non pas dans mais au-dessus, à côté, si c'est l'environnement, au-dessus, si c'est la nature, lui, être raisonnable, raisonnant, civique, etc., qui oublie qu'il est un être vivant parmi d'autres. Donc c'est vrai que il y avait un anthropocentrisme dans cette notion. Mais est-ce qu'elle n'est pas dans la Genèse, en fait, aussi? Parce que Dieu dit à Adam, prends possession de la nature, tu vas donner les noms aux animaux, tu vas faire de l'agriculture, donc tu vas prendre une charrue, etc., etc. Donc c'est vrai que l'idée même d'un Dieu créateur implique qu'il y ait une créature créante, si j'ose dire, une créature qui reprend le boulot, quoi. Et reprendre le boulot, ça veut dire puiser dans les ressources naturelles, modifier les équilibres naturels, faire donner la terre, prendre l'eau, etc. Donc, ça va être dur d'apprendre l'humilité pour l'homme. Mais comment maintenir l'idéal d'émancipation quand la nature s'impose à nous comme n'étant pas infini? Parce qu'il faut maintenant combiner l'émancipation et la dépendance. Je veux dire, il faut prendre conscience que nous ne pouvons pas nous émanciper si nous n'admettons pas un certain degré de dépendance envers la nature. Mais est-ce que ce n'est pas justement le but du politique d'opérer cette articulation? Si, c'est le boulot aujourd'hui du siècle vert. Ça va prendre du temps. Mais c'est vrai qu'on a toujours opposé, je dirais, le domaine de l'esprit, du sujet, de l'humain, comme, je dirais, un domaine libre, un domaine où l'homme est indépendant. Non. L'homme se trouve dépendant de ce qui ne dépend pas de lui. C'est tout le problème. Mais peut-être que le siècle des Lumières l'avait oublié avec l'idée, notamment oui, portée par la physique moderne, que l'homme est un être d'antinature, non pas au sens où il est contre la nature, mais au sens où il échappe aux lois naturelles parce qu'il a un esprit qui lui permet de les dominer. Vous savez qu'il n'avait pas tort de dire ça. Parce que si les lois de la nature doivent devenir les lois de la cité, alors faut sortir son couteau. Non, mais on peut pas y échapper. Je parle des lois physiques. Ah, des lois physiques. Là, nous sommes d'accord. Moi, c'est les lois biologiques qui m'inquiètent. C'est le darwinisme social, dont je vous rappelle que c'est tout de même une application du darwinisme tout court. Mal compris. Mal compris, très certainement. Mais fallait dire ça, monsieur Adolf Hitler. Lui, il croyait vraiment qu'il avait la biologie pour lui, hein. La survie du plus apte, donc du plus fort. Aujourd'hui, peut-être maintenant que nous avons complété les sciences de la vie par de la terre, donc nous pouvons échapper à cette extrapolation néfaste du darwinisme. J'ose même pas vous demander, Gérard Debray, ce que vous pensez du post-humanisme ou du transhumanisme, je sais pas comment il faut l'appeler. Le transhumanisme, si vous voulez. Qui espère quand même offrir l'idée de progrès, l'occasion d'une rédemption. En tenant compte du bilan très mitigé qu'on peut lui accorder. Vous savez, dans mon livre, je parle de Faust. Hein, je commence par évoquer la civilisation faustienne. Eh bien, le transhumanisme, c'est la continuation de Faust. C'est-à-dire, on va prendre des cornues et des fioles. Et on va changer la nature de l'homme. Alors, les cornues, c'est aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais le principe est toujours le même. La technique, l'opération technique pour refonder ce qui est donné, c'est-à-dire, au fond, pour remplacer le donné par le construit. C'est pour moi, c'est une utopie, c'est une hubris. Vous dites le transhumanisme vise à tuer le vivant pour tuer la mort. Oui, c'est-à-dire effectivement à remplacer le vivant par des mécanismes ou des connexions ou, disons, du neuronal artificiel pour en faire une sorte de robot immarcessible, enfin de robot inoxydable. C'est tout de même pas Et puis qu'est-ce qu'on s'embêterait si on ne mourrait pas tout de même, hein ? Il est tout de même très terrible, non ? Et puis comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'on ne va pas mourir si jusqu'à maintenant tous les hommes ont été mortels ? Comment comprendre, même si on le sait, qu'on est immortel ? Et si on le sait, est-ce qu'on est sûr qu'on le sait vraiment ? Et est-ce qu'on ne serait pas invité à rester chez soi de peur de perdre l'immortalité par accident ? J'espère qu'il y aura toujours un degré d'incertitude. J'espère qu'on ne sera pas toujours sûr d'être immortel, parce qu'effectivement, on s'ennuierait énormément. Si la vie, c'est quelque chose de pathétique, si la vie, c'est l'occasion à saisir, c'est l'instant à cueillir, c'est tout de même parce qu'on sait que ça finira un jour. On est sauvé par la finitude. Non, ils font du très mauvais boulot, les transhumanistes. Vous devrez leur dire, vous avez une autorité scientifique. Ça m'arrive. Votre livre s'intitule Le siècle vert. Évidemment, il fait penser à Soleil vert, ce film de Richard Fleischer de 1973, que vous évoquez d'ailleurs assez longuement dans le livre. En quoi est-ce qu'il fait écho à ce qui se dit aujourd'hui ? En quoi était-il prémonitoire ? Ce film, c'est un peu le 1984, c'est l'équivalent de ce que Orwell a fait pour le totalitarisme politique. Ça, c'est 1984 du fondamentalisme écologiste. C'est-à-dire, cette idée, au fond, qui est évidemment, fantastique et cauchemardesque, que lorsqu'une science prend le pouvoir, elle peut devenir une dictature, tout simplement. Et là, cette idée qu'il y a un groupe d'experts, de grands savants, dans un quartier favorisé, et qu'eux ont les secrets de la nature et de la vie, et ils disent, voilà, on va vous serrer la vis pour vous sauver la vie. Ça s'est passé un peu avec l'économie politique dans certains coins. Nous avons les clés de l'histoire, donc ne nous emmerdez pas, on va vous dire ce qu'il faut faire. Bon, et là maintenant, nous avons... Et là, en l'occurrence, on donne aux pauvres à manger des alors, effectivement, synthèse à base de plancton océanique. Voilà, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de plancton, enfin donc... catastrophe. Non, c'est l'idée simplement de la domination de l'expert, si vous voulez. Bon, c'est évidemment, comment dirais-je, un passage à la limite, comme 1984. Mais qui peut mettre la puce à l'oreille, tout de même. Il faut pas faire de l'expert le roi philosophe, c'est-à-dire celui qui a la connaissance absolue et qui, au nom de la connaissance, prive les autres de leur souveraineté. Non, mais comme disait Einstein, la connaissance de ce qui est ne permet pas d'avoir la connaissance de ce qui doit être. Alors, et c'est ça, la question que je voulais vous poser. Et donc la question, c'est comment tenir compte ou maintenir l'idée d'un idéal, si j'ose dire, en rendant justice à ce que nous savons. C'est la question que je voulais vous poser, mon cher Étienne. C'est... La science dit ce qui est, elle ne peut pas dire ce qui sera et encore moins ce qui doit être. Alors comment passe-t-on d'une science à une conscience ? Comment passe-t-on d'une théorie à une pratique ? Comment, peut-on tirer d'une science descriptive des impératifs de conduite ? J'ai envie de vous poser cette question, vous en savez plus que moi. La science ne répond pas aux questions que pose le fait qu'elle donne une nouvelle capacité d'agir. Elle dit comment faire une bombe atomique, elle ne dit pas si on doit la faire. Vous dites la science ne décrit que ce qui est et jamais le futur. La climatologie, par exemple, aidée par des équations déterministes de la physique, montre qu'on est, pour un certain temps, en régime balistique. C'est-à-dire que la variation des températures à venir est connue et elle est déterminée par ce que nous avons fait dans les décennies passées. Donc, certaines sciences disent des choses de ce qui va se passer. Ensuite, je pense que pour répondre à la question que vous posez, tant que la science a été enchâssée dans l'idée de progrès, alors on devait regarder toutes les possibilités que la science nous offre, notamment en matière de technologie, avec l'idée que c'est sans doute vers le meilleur que cela nous tire, même s'il peut y avoir des accidents. Or, l'idée de progrès est aujourd'hui en crise, de sorte que quand on discute des applications de la science, c'est plus l'idée transcendante de progrès qui permet de déterminer comment décider, mais plutôt des valeurs qui s'opposent. Certains mettront en avant des valeurs économiques, d'autres des valeurs écologiques, d'autres des valeurs liés à la santé, etc., sans qu'on puisse forcément trouver un point d'accord, un point d'équilibre. Autrement dit, les valeurs s'opposent plus que les principes, de certaine façon. Donc, il y a toujours place pour la politique, c'est-à-dire pour la délibération. Et surtout place pour la procrastination. C'est-à-dire la non-décision. Exactement. Et l'avenir est presque autant piloté par nos actions que par nos inactions. Simplement, les actions sont beaucoup plus jugées, en bien ou en mal, que les inactions, qui sont plus silencieuses et moins visibles. Donc, pour vous, on a avantage à l'indécision, finalement, si je vous entends bien, politiquement. Faudrait, sur certains sujets, mettre au point des comités, alors pour le coup d'experts, comme a été le GIEC. Le GIEC, sur la question du climat, a fait travailler beaucoup de gens et produit un document qui fait autorité sur la connaissance d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres sujets pour lesquels ces questions devraient être abordées de la même façon, mais ne le sont pas, ce qui laisse un flou sur ce que la science dit ou ne dit pas à propos de telle ou telle question. Par exemple, le nucléaire, par exemple, les pesticides, il n'y a pas le même travail collectif que celui qui a été fait pour le climat. Oui, mais sur le pesticide, il est certain qu'un agriculteur n'aura pas le même avis qu'un cancérologue, je veux dire. Alors que sur le climat est le même pour tous, donc on peut concevoir un consensus plus facile. Non, le GIEC a mis des années à rassembler toutes les études et à produire un document qui soit vraiment le document de la communauté scientifique dans son ensemble. Donc, autrement dit, la question politique, c'est comment associer dans des décisions collectives ce que nous voulons et ce que nous savons. Oui, mais alors une question politique se pose. Avons-nous prise sur l'évolution climatique, en dehors, je dirais, de la marge, je dirais, qu'on appelle anthropocentrique, enfin, mais je veux dire, est-ce que vous croyez qu'on peut juguler réellement cette dégradation climatique? D'après les scénarios que le GIEC a envisagé, si on agit aujourd'hui, de façon très importante, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, la température va continuer de monter. Donc on est dans ce qu'on appelle un régime balistique. Et donc ça va être très difficile d'un point de vue politique d'imposer aux gens de prendre des mesures de restriction, alors même que les choses continuent de se dégrader. Oui, parce qu'il y a vraiment une différence, je dirais, entre l'évolution des esprits, nos modes de pensée, et l'évolution de notre mode de vie. Il est beaucoup plus facile de penser autrement que de vivre autrement. Absolument, mais ce qui est sûr, c'est que si on annulait demain les émissions de gaz à effet de serre, ça n'empêchera pas les océans de continuer à monter pendant des siècles, à cause des constantes thermiques qui lui sont associées. Donc notre capacité est limitée d'intervention. Elle est limitée, et c'est pour ça qu'il faut la discuter. Quelle amplitude on donne aux réactions que provoque la prise en compte des connaissances qu'apportent les scientifiques sur ces questions. Mais est-ce que la réaction est capable de freiner l'évolution, ou en tout cas de la modifier? De la limiter, en tout cas. De la limiter. Oui, puisque l'effet de serre a une composante anthropique liée à l'activité humaine, et donc en jouant sur l'activité humaine, on peut modifier l'ampleur de ce changement. Donc vous êtes un progressiste modéré, comme il faut l'être, sans illusion, sans utopie, mais tout de même actif. Vous ne baissez pas les bras. Au fond, c'est une position sage. Elle est un peu démobilisatrice, parce que si vous dites ça à la télévision un soir, si vous êtes président de la République, si vous leur dites, vous savez, on va faire ce qu'on peut, mais ça va pas changer grand-chose, vous risquez de ne pas être réélu. Non, mais c'est précisément parce que les lois physiques sont des lois sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Comme le dit Richard Feynman, grand prix Nobel de physique, la nature ne peut pas être dupée par les discours. Oui. Il y a peut-être, chez les fondamentalistes de l'écologie, la croyance que le discours peut s'imposer à la nature. La nature est rebelle au discours, c'est la formule de votre... La nature ne peut pas être dupée par les discours. Oui. Et la politique, c'est faire croire. La politique, il y a toujours une part de duperie chez un leader politique. Il faut duper pour mobiliser. Donc tout ça, écoutez... Mais en fait, ici, c'est moi qui pose les questions, Régis Debray, normalement. Oui, mais et moi, donc, je me pose, vous pouvez pas m'empêcher à moi-même de me poser des questions et de profiter du fait que je vous ai devant moi pour vous poser des questions. J'entends bien, mais comme l'émission va bientôt se terminer, j'en ai une dernière à vous poser absolument. Vous dites, en gros, dans votre livre, entre autres choses, qu'on est passé de la Marseillaise à l'ode à la salade. Oh, alors, bon, c'est ironique, évidemment, mais vous précisez que vous appelez à une négociation entre la salade et la Marseillaise, et puis que les deux réunis, il faudra les coupler à l'international. Ça fait quand même un très gros programme. Écoutez, premier temps, oui, essayez de combiner le civique et le climatique, c'est-à-dire essayer de ne pas renoncer à notre histoire propre, à la souveraineté populaire, au progrès que nous avons fait pour ne pas nous entretuer, pour constituer une nation, ça c'est la Marseillaise, mais il faut empêcher que les salades pourrissent ou que cessent de pousser. Donc là, il y a une négociation à faire, je dirais, entre les conservateurs et les progressistes, entre ceux qui pensent planète et ceux qui pensent la nation. Bon, ça, c'est le premier point. Et ensuite, puisque le problème est planétaire, faut pas se faire d'illusions, il est plus facile de penser planète que d'agir planète. Mais il faudra tout de même, à un moment donné, mais on le fait déjà, disons, inciter à des mesures coordonnées. Je n'y crois pas beaucoup, d'ailleurs. Non, c'était cette expression, il faudra voir avec l'international, c'est pour, aller au-delà de l'étriquet nationaliste, de la frilosité nationaliste. Mais c'était une façon de combiner, je dirais, la nation, la nature et la planète. C'est un vœu pieux, peut-être, mais... D'ailleurs, vous concluez votre livre, Régis Debray, par cette phrase. On est toujours deux dans l'affaire homme, la nature et l'esprit, un matériau et un outillage. Il n'y a donc pas à choisir entre la tondeuse et le jardinier, entre le moyen et la fin, entre le technique et le spirituel. Oui, je dis ça contre, je dirais, la technophobie qu'ont beaucoup de nos amis humanistes, spiritualistes. Je leur rappelle que pour faire un jardin, on a besoin d'une tondeuse, pour faire du papier, il faut une scie pour couper les arbres et un arbre. Bon, bref. Je postule l'idée qu'il ne faut pas opposer la technique d'un côté et l'homme de l'autre. La technique, c'est ce qui aide à l'homme de s'accomplir. Et ça peut l'aider à sauver la nature, puisque disons, pour qu'il y ait des lacs à l'eau pure, il faut des stations d'épuration. Ça sera le mot de la fin, Régis Debray. Je vous remercie d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre livre « Le siècle vert ». Et je crois que vous aimez les grands auteurs comme Paul Claudel. Oui, bien qui sûr. Qui a écrit notamment « La mer était si bleue que seul le sang était plus rouge ». Phrase magnifique que je vous laisse le soin d'adapter en y mettant la petite touche de vert qui vous convient. Merci à vous, Régis Debray. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alain Joubert et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.